Thérèse Raquin, chapitre 7. Dès le commencement, les amants trouvèrent leur liaison nécessaire, fatale, toute naturelle. À leur première entrevue, ils se tutoyèrent. Ils s'embrassèrent, sans embarras, sans rougeur, comme si leur intimité eût daté de plusieurs années. Ils vivaient à l'aise dans leur situation nouvelle, avec une tranquillité et une impudence parfaites. Ils fixèrent leur rendez-vous. Thérèse ne pouvant sortir, il fut décidé que Laurent viendrait. La jeune femme lui expliqua, d'une voix nette et assurée, le moyen qu'elle avait trouvé. Les entrevues auraient lieu dans la chambre des époux. L'amant passerait par l'allée qui donnait sur le passage et Thérèse lui ouvrirait la porte de l'escalier. Pendant ce temps, Camille serait à son bureau, Madame Raquin en bas dans la boutique. C'était là des coups d'audace qui devaient réussir. Laurent accepta. Il avait, dans sa prudence, une sorte de témérité brutale, la témérité d'un homme qui a de gros poings. L'air grave et calme de sa maîtresse l'engagea à venir goûter d'une passion si hardiment offerte. Il choisit un prétexte. Il obtint de son chef un congé de 2 heures et il accourut au passage du Pont-Neuf. Dès l'entrée du passage, il éprouva des voluptés cuisantes. La marchande de bijoux faux était assise juste en face de la porte de l'allée. Il lui fallut attendre qu'elle fût occupée, qu'une jeune ouvrière vint acheter une bague ou des boucles d'oreilles de cuivre. Alors, rapidement, il entra dans l'allée. Il monta l'escalier étroit et obscur, en s'appuyant au mur gras d'humidité. Ses pieds heurtaient les marches de pierre. Au bruit de chaque heure, il sentait une brûlure qui lui traversait la poitrine. Une porte s'ouvrit. Sur le seuil, au milieu d'une lueur blanche, il vit Thérèse en camisole, en jupon. Tout éclatante, les cheveux fortement noués derrière la tête. Elle ferma la porte, elle se pendit à son cou. Il s'échappait d'elle une odeur tiède, une odeur de linge blanc et de chair fraîchement lavée. Laurent, étonné, trouva sa maîtresse belle. Il n'avait jamais vu cette femme. Thérèse, souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière, et sur son visage couraient des lumières ardentes, des sourires passionnés. Cette face d'amante s'était comme transfigurée. Elle avait un air fou et caressant. Les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair, et autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, un air pénétrant et âcre. Au premier baiser, elle se révéla courtisane. Son corps inassouvi se jeta éperdument dans la volupté. Elle s'éveillait comme d'un songe. Elle naissait à la passion. Elle passait des bras débiles de Camille dans les bras vigoureux de Laurent, et cette approche d'un homme puissant lui donnait une brusque secousse qui la tirait du sommeil de la chair. Tous ses instincts de femme nerveuse éclatait avec une violence inouïe. Le sang de sa mère, ce sang africain qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque vierge encore. Elle s'étalait, elle s'offrait, avec une impudeur souveraine. Et de la tête aux pieds, de longs frissons l'agitaient. Jamais Laurent n'avait connu une pareille femme. Il resta surpris, mal à l'aise. D'ordinaire, ses maîtresses ne le recevaient pas avec une telle fougue. Il était accoutumé à des baisers froids et indifférents, à des amours lasses et rassasiés. Les sanglots, les crises de Thérèse l'épouvantèrent presque, tout en irritant ses curiosités voluptueuses. Quand il quitta la jeune femme, il chancela comme un homme ivre. Le lendemain, lorsque son calme sournois et prudent fut revenu, il se demanda s'il retournerait auprès de cette amante dont les baisers lui donnaient la fièvre. Il décida d'abord nettement qu'il resterait chez lui. Puis il eut des lâchetés. Il voulait oublier. Ne plus voir Thérèse dans sa nudité, dans ses caresses douces et brutales. Et toujours elle était là, implacable, tendant les bras. La souffrance physique que lui causait ce spectacle devint intolérable. Il céda, il prit un nouveau rendez-vous, il revint au passage du Pont-Neuf. À partir de ce jour, Thérèse entra dans sa vie. Il ne l'acceptait pas encore, mais il la subissait. Il avait des heures d'effroi, des moments de prudence, et en somme, cette liaison le secouait désagréablement. Mais ses peurs, ses malaises tombaient devant ses désirs. Les rendez-vous se suivirent, se multiplièrent. Thérèse n'avait pas de ses doutes. Elle se livrait sans ménagement, à l'endroit où la poussait la passion. Cette femme que les circonstances avaient pliée et qui se redressait enfin, mettait à nu son être entier, expliquait sa vie. Parfois, elle passait ses bras au cou de Laurent, elle se traînait sur sa poitrine, et d'une voix encore haletante, « Oh, si tu savais combien j'ai souffert. J'ai été élevé dans l'humidité tiède de la chambre d'un malade. Je couchais avec Camille. La nuit, je m'éloignais de lui, écœuré par l'odeur fade de son corps. Il était méchant et entêté. Il ne voulait pas prendre les médicaments que je refusais de partager avec lui. Pour plaire à ma tante, je devais prendre toutes les drogues. Je ne sais pas comment je ne suis pas morte. Ils m'ont rendu laide, mon pauvre ami. Ils m'ont volé tout ce que j'avais. Et tu ne peux m'aimer comme je t'aime. » Elle pleurait, elle embrassait Laurent, elle continuait avec une haine sourde. « Je ne leur souhaite pas de mal. Ils m'ont élevé, ils m'ont recueilli et défendu contre la misère. Mais j'aurais préféré l'abandon à leur hospitalité. J'avais des besoins cuisants, de grand air. Toute petite, je rêvais de courir les chemins les pieds nus dans la poussière, demandant l'aumône, vivant en bohémienne. On m'a dit que ma mère était un chef de tribu en Afrique. J'ai souvent songé à elle. J'ai compris que je lui appartenais par le sang et les instincts. J'aurais voulu ne la quitter jamais et traverser les sables sur son dos. Ah, quelle jeunesse! J'ai encore des dégoûts et des révoltes lorsque je me rappelle les longues journées que j'ai passées dans la chambre où râlait Camille. J'étais accroupi devant le feu, regardant stupidement bouillir les tisanes, sentant mes membres se roidir et je ne pouvais bouger. Ma tante grondait quand je faisais du bruit. Plus tard, j'ai goûté des joies profondes dans la petite maison du bord de l'eau. Mais j'étais déjà abêti, je savais à peine marcher. Je tombais lorsque je courais, puis on m'a enterré toute vive dans cette ignoble boutique. Thérèse respirait fortement, elle serrait son amant à plein bras, elle se vengeait. et ses narines minces et souples avaient de petits battements nerveux. « Tu ne saurais croire, reprenait-elle, combien ils m'ont rendu mauvaise. Ils ont fait de moi une hypocrite et une menteuse. Ils m'ont étouffée dans leur douceur bourgeoise, et je ne m'explique pas comment. Il y a encore du sang dans mes veines. » J'ai baissé les yeux. J'ai eu comme eux un visage morne et imbécile. J'ai mené leur vie morte. Quand tu m'as connu, n'est-ce pas? J'avais l'air d'une bête. J'étais grave, écrasé, abruti. Je n'espérais plus en rien. Je songeais à me jeter un jour dans la Seine. Mais avant cet affaissement, que de nuits de colère! Là-bas, à Vernon, dans ma chambre froide, je mordais mon oreiller pour étouffer mes cris. Je me battais, je me traitais de lâche. Mon sang me brûlait et je me serais déchiré le corps. À deux reprises, j'ai voulu fuir, aller devant moi, au soleil. Le courage m'a manqué. Ils avaient fait de moi une brute docile, avec leur bienveillance molle et leur tendresse écœurante. Alors j'ai menti toujours. Je suis restée là, toute douce, toute silencieuse, rêvant de frapper et de mordre. La jeune femme s'arrêtait, essuyant ses lèvres humides sur le cou de Laurent. Elle ajoutait, après un silence, « Je ne sais plus pourquoi j'ai consenti à épouser Camille. Je n'ai pas protesté par une sorte d'insouciance dédaigneuse. Cet enfant me faisait pitié. Lorsque je jouais avec lui, je sentais mes doigts s'enfoncer dans ses membres comme dans de l'argile. Je l'ai pris parce que ma tante me l'offrait et que je comptais ne jamais me gêner pour lui. » Et j'ai retrouvé dans mon mari le petit garçon souffrant avec lequel j'avais déjà couché à 6 ans. Il était aussi frêle, aussi plaintif. Et il avait toujours cette odeur fade d'enfant malade qui me répugnait tant jadis. Je te dis tout cela pour que tu ne sois pas jaloux. Une sorte de dégoût me montait à la gorge. Je me rappelais les drogues que j'avais bues. Et je m'écartais. Et je passais des nuits terribles. Mais toi. Et Thérèse se redressait, se pliait en arrière, les doigts pris dans les mains épaisses de Laurent, regardant ses larges épaules, son cou énorme. Toi, je t'aime. Je t'ai aimé le jour où Camille t'a poussé dans la boutique. Tu ne m'estimes peut-être pas parce que je me suis livré tout entière, en une fois. Vrai. Je ne sais comment cela est arrivé. Je suis fier, je suis emporté. J'aurais voulu te battre le premier jour où tu m'as embrassé et jeté par terre dans cette chambre. J'ignore comment je t'aimais. Je te haïssais plutôt. Ta vue m'irritait, me faisait souffrir. Lorsque tu étais là, mes nerfs se tendaient à se rompre. Ma tête se vidait, je voyais rouge. Oh, que j'ai souffert. Et je cherchais cette souffrance. J'attendais ta venue. Je tournais autour de ta chaise pour marcher dans ton haleine, pour traîner mes vêtements le long des tiens. Il me semblait que ton sang me jetait des bouffées de chaleur au passage. Et c'était cette sorte de nuée ardente dans laquelle tu t'enveloppais qui m'attirait, me retenait auprès de toi, malgré mes sourdes révoltes. Tu te souviens, quand tu peignais ici, une force fatale me ramenait à ton côté. Je respirais ton air avec des délices cruelles. Je comprenais que je paraissais guetter les baisers. J'avais honte de mon esclavage. Je sentais que j'allais tomber si tu me touchais. Mais je cédais à mes lâchetés. Je grelottais de froid en attendant que tu voulusses bien me prendre dans tes bras. Alors Thérèse se taisait, frémissante, comme orgueilleuse et vengée. Elle tenait Laurent ivre sur sa poitrine, et dans la chambre nue et glaciale, se passaient des scènes de passion ardente, d'une brutalité sinistre. chaque nouveau rendez-vous amenait des crises plus fougueuses. La jeune femme semblait se plaire à l'audace et à l'imprudence. Elle n'avait pas une hésitation, pas une peur. Elle se jetait dans l'adultère avec une sorte de franchise énergique, bravant le péril, mettant une sorte de vanité à le braver. Quand son amant devait venir, pour toute précaution, elle prévenait sa tante qu'elle montait se reposer. Et quand il était là, elle marchait, parlait, agissait carrément, sans songer jamais à éviter le bruit. Parfois, dans le commencement, Laurence effrayait. « Bon Dieu, disait-il tout bas à Thérèse, ne fais donc pas tant de tapage. Madame Raquin va monter. » Bah, répondait-elle en riant. Tu trembles toujours. Elle est clouée derrière son comptoir. Que veux-tu qu'elle vienne faire ici? Elle aurait trop peur qu'on ne la volât. Puis, après tout, qu'elle monte si elle veut. Tu te cacheras. Je me moque d'elle. Je t'aime. Ces paroles ne rassuraient guère Laurent. La passion n'avait pas encore endormi sa prudence sournoise de paysan. Bientôt, cependant, l'habitude lui fit accepter, sans trop de terreur, les hardiesses de ces rendez-vous donnés en plein jour, dans la chambre de Camille, à deux pas de la vieille mercière. Sa maîtresse lui répétait que le danger épargne ceux qui l'affrontent en face, et elle avait raison. Jamais les amants n'auraient pu trouver un lieu plus sûr que cette pièce, où personne ne serait venu les chercher. Ils y contentaient leur amour, dans une tranquillité incroyable. Un jour, pourtant, Madame Raquin monta, craignant que sa nièce ne fût malade. Il y avait près de 3 heures que la jeune femme était en haut. Elle poussait l'audace jusqu'à ne pas fermer au verrou la porte de la chambre qui donnait dans la salle à manger. Lorsque Laurent entendit les pas lourds de la vieille mercière, montant l'escalier de bois, il se troubla. Il chercha fiévreusement son gilet, son chapeau. Thérèse se mit à rire à la singulière mine qu'il faisait. Il lui prit le bras avec force, le courba au pied du lit dans un coin et lui dit d'une voix basse et calme « Tiens-toi là, ne remue pas. » Elle jeta sur lui les vêtements d'homme qui traînaient et étendit sur le tout un jupon blanc qu'elle avait retiré. Elle fit ces choses avec des gestes lestes et précis, sans rien perdre de sa tranquillité. Puis elle se coucha, échevelée, demi-nue, encore rouge et frémissante. Madame Raquin ouvrit doucement la porte et s'approcha du lit en étouffant le bruit de ses pas. La jeune femme feignait de dormir. Laurent suait sous le jupon blanc. Thérèse demanda la mercière avec sollicitude. « Es-tu malade, ma fille ?» Thérèse ouvrit les yeux, bâilla, se retourna et répondit d'une voix dolente qu'elle avait une migraine atroce. Elle supplia sa tante de la laisser dormir. La vieille dame s'en alla comme elle était venue, sans faire de bruit. Les deux amants, riant en silence, s'embrassèrent avec une violence passionnée. « Tu vois bien, dit Thérèse triomphante, que nous ne craignons rien ici. Tous ces gens-là sont aveugles. Ils n'aiment pas. » Un autre jour, la jeune femme eut une idée bizarre. Parfois, elle était comme folle. Elle délirait. Le chat tigré, François, était assis sur son derrière, au beau milieu de la chambre. Grave, immobile, il regardait de ses yeux ronds les deux amants. Il semblait les examiner avec soin, sans cligner les paupières, perdu dans une sorte d'extase diabolique. « Regarde donc François, » dit Thérèse à Laurent. « On dirait qu'il va ce soir tout compter à Camille. Dis, ce serait drôle s'il mettait à parler dans la boutique un de ces jours. Il sait de belles histoires sur notre compte. » Cette idée que François pourrait parler amusa singulièrement la jeune femme. Laurent regarda les grands yeux verts du chat. Il sentit un frisson lui courir sur la peau. « Voici comment il ferait, » reprit Thérèse. « Il se mettrait debout et, me montrant d'une patte, te montrant de l'autre, il s'écriait. Il s'écrierait. Monsieur et madame s'embrassent très fort dans la chambre. Ils ne se sont pas méfiés de moi, mais comme leurs amours criminels me dégoûtent, je vous prie de les faire mettre en prison tous les deux. Ils ne troubleront plus ma sieste. Thérèse plaisantait comme un enfant. Elle mimait le chat. Elle allongeait les mains en façon de griffes. Elle donnait à ses épaules des ondulations félines. François, gardant une immobilité de pierre, la contemplait toujours. Ses yeux seuls paraissaient vivants. Et il y avait dans les coins de sa gueule deux plis profonds qui faisaient éclater de rire cette tête d'animal empaillé. Laurent se sentait froid aux os. Il trouva ridicule la plaisanterie de Thérèse. Il se leva et mit le chat à la porte. En réalité, il avait peur. Sa maîtresse ne le possédait pas encore entièrement. Il restait au fond de lui un peu de ce malaise qu'il avait éprouvé sous les premiers baisers de la jeune femme. Thérèse Raquin, chapitre 8. Le soir, dans la boutique, Laurent était parfaitement heureux. D'ordinaire, il revenait du bureau avec Camille. Madame Raquin s'était prise pour lui d'une amitié maternelle. Elle le savait gêné, mangeant mal, couchant dans un grenier, et lui avait dit une fois pour toutes que son couvert serait toujours mis à leur table. Elle aimait ce garçon de cette tendresse bavarde que les vieilles femmes ont pour les gens qui viennent de leur pays, apportant avec eux des souvenirs du passé. Le jeune homme usait largement de l'hospitalité. Avant de rentrer, au sortir du bureau, il faisait avec Camille un bout de promenade sur les quais. Tous deux trouvaient leur compte à cette intimité. Ils s'ennuyaient moins. Ils flânaient en causant. Puis ils se décidaient à venir manger la soupe de Madame Raquin. Laurent ouvrait en maître la porte de la boutique. Il s'asseyait à califourchon sur les chaises, fumant et crachant comme s'il était chez lui. La présence de Thérèse ne l'embarrassait nullement. Il traitait la jeune femme avec une rondeur amicale. Il plaisantait, lui adressait des galanteries banales, sans qu'un pli de sa face se bougeât. Camille riait. Et comme sa femme ne répondait pas, et comme sa femme ne répondait à son ami que par des monosyllabes, il croyait fermement qu'ils se détestaient tous deux. Un jour même, il fit des reproches à Thérèse sur ce qu'il appelait sa froideur pour Laurent. Laurent avait deviné juste. Il était devenu l'amant de la femme, l'ami du mari, l'enfant gâté de la mère. Jamais il n'avait vécu dans un pareil assouvissement de ses appétits. Il s'endormait au fond des jouissances infinies que lui donnait la famille Raquin. D'ailleurs, sa position dans cette famille lui paraissait toute naturelle. Il tutoyait Camille sans colère, sans remords. Il ne surveillait même pas ses gestes ni ses paroles, tant il était certain de sa prudence, de son calme. L'égoïsme avec lequel il goûtait ses félicités le protégeait contre toute faute. Dans la boutique, sa maîtresse devenait une femme comme une autre, qu'il ne fallait point embrasser et qui n'existait pas pour lui. S'il ne l'embrassait pas devant tous, c'est qu'il craignait de ne pouvoir revenir. Cette seule conséquence l'arrêtait. Autrement, il se serait parfaitement moqué de la douleur de Camille et de sa mère. Il n'avait point conscience de ce que la découverte de sa liaison pourrait amener. Il croyait agir simplement, comme tout le monde aurait agi à sa place, en homme pauvre et affamé. De là, ses tranquillités béates, ses audaces prudentes, ses attitudes désintéressées et goguenardes. Thérèse, plus nerveuse, plus frémissante que lui, était obligée de jouer un rôle. Elle le jouait à la perfection, grâce à l'hypocrisie savante que lui avait donnée son éducation. Pendant près de 15 ans, elle avait menti, étouffant ses fièvres, mettant une volonté implacable à paraître morne et endormie. Il lui coûtait peu de poser sur sa chair ce masque de morte qui glaçait son visage. Quand Laurent entrait, il la trouvait grave, rechignée, le nez plus long, les lèvres plus minces. Elle était laide, revêche, inabordable. D'ailleurs, elle n'exagérait pas ses effets. Elle jouait son ancien personnage, sans éveiller l'attention pour une brusquerie plus grande. Pour elle, elle trouvait une volupté amère à tromper Camille et Madame Raquin. Elle n'était pas comme Laurent, affaissée dans le contentement épais de ses désirs, inconsciente du devoir. Elle savait qu'elle le faisait mal. Et il lui prenait des envies féroces de se lever de table et d'embrasser Laurent à pleine bouche pour montrer à son mari et à sa tante qu'elle n'était pas une bête et qu'elle avait un amant. Par moments, des joies chaudes lui montaient à la tête. Toute bonne comédienne qu'elle fût, elle ne pouvait alors se retenir de chanter, quand son amant n'était pas là et qu'elle ne craignait point de se trahir. Cette gaieté soudaine charmait Madame Raquin, qui accusait sa nièce de trop de gravité. La jeune femme acheta des pots de fleurs et en garnit la fenêtre de sa chambre. Puis elle fit coller du papier neuf dans cette pièce. Elle voulut un tapis, des rideaux, des meubles de palissandre. Tout ce luxe était pour Laurent. La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l'homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement. Le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union. À voir le visage épais et souriant de Laurent en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. C'était de douces et calmes soirées. Dans le silence, dans l'ombre transparente et attiédie, s'élevaient des paroles amicales. On se serrait autour de la table. Après le dessert, on causait des mille riens de la journée, des souvenirs de la veille et des espoirs du lendemain. Camille aimait Laurent autant qu'il pouvait aimer, en égoïste satisfait, et Laurent semblait lui rendre une égale affection. Il y avait entre eux un échange de phrases dévouées, de gestes serviables, de regards prévenants. Madame Raquin, le visage placide, mettait toute sa paix autour de ses enfants, dans l'air tranquille qu'il respirait. On eût dit une réunion de vieilles connaissances qui se connaissaient jusqu'au cœur et qui s'endormaient sur la foi de leur amitié. Thérèse, immobile, paisible comme les autres, regardait ses joies bourgeoises, ses affaissements souriants. Et au fond d'elle, il y avait des rires sauvages. Tout son être raillait, tandis que son visage gardait une rigidité froide. Elle se disait, avec des raffinements de volupté, que quelques heures auparavant, elle était dans la chambre voisine, demi-nue, échevelée, sur la poitrine de Laurent. Elle se rappelait chaque détail de cet après-midi de passion folle. Elle les étalait dans sa mémoire. Elle opposait cette scène brûlante à la scène morte qu'elle avait sous les yeux. Ah, comme elle trompait ces bonnes gens, et comme elle était heureuse de les tromper avec une impudence si triomphante. Et c'était là, à deux pas, derrière cette mince cloison, qu'elle recevait un homme. C'était là qu'elle se vautrait dans les âpretés de l'adultère. Et son amant, à cette heure, devenait un inconnu pour elle, un camarade de son mari, une sorte d'imbécile et d'intrus dont elle ne devait pas se soucier. Cette comédie atroce, cette duperie de la vie, cette comparaison entre les baisers ardents du jour et l'indifférence jouée du soir, donnait des ardeurs nouvelles au sang de la jeune femme. Lorsque Madame Raquin et Camille descendaient par hasard, Thérèse se levait d'un bond, collait silencieusement, avec une énergie brutale, ses lèvres sur les lèvres de son amant, et restait ainsi haletante, étouffante, jusqu'à ce qu'elle entendît crier le bois des marches de l'escalier. Alors, d'un mouvement leste, elle reprenait sa place. Elle retrouvait sa grimace rechignée. Laurent, d'une voix calme, continuait avec Camille la causerie interrompue. C'était comme un éclair de passion, rapide et aveuglant dans un ciel mort. Le jeudi, la soirée était un peu plus animée. Laurent, qui ce jour-là s'ennuyait à mourir, se faisait pourtant un devoir de ne pas manquer une seule des réunions. Il voulait, par mesure de prudence, être connu et estimé des amis de Camille. Et il lui fallait écouter les radotages de Grivet et du vieux Michaud. Michaud racontait toujours les mêmes histoires de meurtre et de vol. Grivet parlait en même temps de ses employés, de ses chefs, de son administration. Le jeune homme se réfugiait auprès d'Olivier et de Suzanne, qui lui paraissait d'une bêtise moins assommante. D'ailleurs, il se hâtait de réclamer le jeu de domino. C'était le jeudi soir que Thérèse fixait le jour et l'heure de leur rendez-vous. Dans le trouble du départ, lorsque Madame Raquin et Camille accompagnaient les invités jusqu'à la porte du passage, la jeune femme s'approchait de Laurent, lui parlait tout bas, lui serrait la main. Parfois même, quand tout le monde avait le dos tourné, l'embrassait par une sorte de fanfaronnade. Pendant 8 mois dura cette vie de secousses et d'apaisement. Les amants vivaient dans une béatitude complète. Thérèse ne s'ennuyait plus, ne désirait plus rien. Laurent, repu, choyé, engraissé encore, avait la seule crainte de voir cesser cette belle existence. Thérèse Auraquin, chapitre 9. Un après-midi, comme Laurent allait quitter son bureau pour courir auprès de Thérèse qui l'attendait, son chef le fit appeler et lui signifia qu'à l'avenir, il lui défendait de s'absenter. Il avait abusé de ses congés. L'administration était décidée à le renvoyer s'il sortait une seule fois. Cloué sur sa chaise, il se désespéra jusqu'au soir. Il devait gagner son pain. Il ne pouvait se faire mettre à la porte. Le soir, le visage courroucé de Thérèse fut une torture pour lui. Il ne savait comment expliquer son manque de parole à sa maîtresse. Pendant que Camille fermait la boutique, il s'approcha vivement de la jeune femme. « Nous ne pouvons plus nous voir », lui dit-il à voix basse. « Mon chef me refuse toute nouvelle permission de sortie. » Camille rentrait. Laurent dut se retirer sans donner de plus amples explications, laissant Thérèse sous le coup de cette déclaration brutale. Exaspéré, ne voulant pas admettre qu'on pût troubler ses voluptés, elle passa une nuit d'insomnie à bâtir des plans de rendez-vous extravagants. Le jeudi qui suivit, elle causa une minute au plus avec Laurent. Leur anxiété était d'autant plus vive qu'ils ne savaient où se rencontrer pour se consulter et s'entendre. La jeune femme donna un nouveau rendez-vous à son amant qui lui manqua de parole une seconde fois. Dès lors, elle n'eut plus qu'une idée fixe, le voir à tout prix. Il y avait 15 jours que Laurent ne pouvait approcher de Thérèse. Alors il sentit combien cette femme lui était devenue nécessaire. L'habitude de la volupté lui avait créé des appétits nouveaux, d'une exigence aiguë. Il n'éprouvait plus aucun malaise dans les embrassements de sa maîtresse. Il quêtait ses embrassements avec une obstination d'animal affamé. Une passion de sang avait couvé dans ses muscles. Maintenant qu'on lui retirait son amante, cette passion éclatait avec une violence aveugle. Il aimait à la rage. Tout semblait inconscient dans cette florissante nature de brute. Il obéissait à des instincts. Il se laissait conduire par les volontés de son organisme. Il aurait ri aux éclats, un an auparavant, si on lui avait dit qu'il serait l'esclave d'une femme, au point de compromettre ses tranquillités. Le sourd travail des désirs s'était opéré en lui, à son insu, et avait fini par le jeter, pieds et poings liés aux caresses fauves de Thérèse. À cette heure, il redoutait d'oublier la prudence. Il n'osait venir, le soir, au passage du Pont-Neuf, craignant de commettre quelque folie. Il ne s'appartenait plus. Sa maîtresse, avec ses souplesses de chatte, ses flexibilités nerveuses, s'était glissée peu à peu dans chacune des fibres de son corps. Il avait besoin de cette femme pour vivre, comme on a besoin de boire et de manger. Il aurait certainement fait une sottise s'il n'avait reçu une lettre de Thérèse qui lui recommandait de rester chez lui le lendemain. Son amante lui promettait de venir le trouver vers les 8 heures du soir. Au sortir du bureau, il se débarrassa de Camille, en disant qu'il était fatigué, qu'il allait se coucher tout de suite. Thérèse, après le dîner, joua également son rôle. Elle parla d'une cliente qui avait déménagé sans la payer. Elle fit la créancière intraitable. Elle déclara qu'elle voulait aller réclamer son argent. La cliente demeurait au Batignolles. Madame Raquin et Camille trouvèrent la course longue, la démarche hasardeuse. D'ailleurs, ils ne s'étonnèrent pas. Ils laissèrent partir Thérèse en toute tranquillité. La jeune femme courut au port au vin, glissant sur les pavés qui étaient gras, heurtant les passants, ayant hâte d'arriver. Des moiteurs lui montaient au visage, ses mains brûlées. On aurait dit une femme saoule. Elle gravit rapidement l'escalier de l'hôtel meublé. Au sixième étage, essoufflée, les yeux vagues, elle aperçut Laurent, penché sur la rampe qui l'attendait. Elle entra dans le grenier. Ses larges jupes ne pouvaient y tenir, tant l'espace était étroit. Elle arracha d'une main son chapeau et s'appuya contre le lit, défaillante. La fenêtre à tabatière, ouverte toute grande, versait les fraîcheurs du soir sur la couche brûlante. Les amants restèrent longtemps dans le taudis, comme au fond d'un trou. Tout d'un coup, Thérèse entendit l'horloge de la pitié sonner 10 heures. Elle aurait voulu être sourde. Elle se leva péniblement et regarda le grenier qu'elle n'avait pas encore vu. Elle chercha son chapeau, noua les rubans et s'assit en disant d'une voix lente « Il faut que je parte. » Laurent était venu s'agenouiller devant elle et lui prit les mains. « Au revoir, » reprit-elle sans bouger. « Non, pas au revoir, » s'écria-t-il. « Cela est trop vague. Quel jour reviendras-tu ?» Elle le regarda en face. « Tu veux de la franchise ?» dit-elle. « Eh bien, vrai, je crois que je ne reviendrai plus. Je n'ai pas de prétexte. Je ne puis en inventer. Alors, il faut nous dire adieu. Non, je ne veux pas. » Elle prononça ces mots avec une colère épouvantée. Elle ajouta plus doucement, sans savoir ce qu'elle disait, sans quitter sa chaise, « Je vais m'en aller. » Laurent songeait. Il pensait à Camille. « Je ne lui en veux pas, » dit-il enfin sans le nommer. « Mais vraiment, il nous gêne trop. Est-ce que tu ne pourrais pas nous en débarrasser, l'envoyer en voyage, quelque part, bien loin ?»« Ah oui, l'envoyer en voyage, » reprit la jeune femme en hochant la tête. « Tu crois qu'un homme comme ça consent à voyager ? Il n'y a qu'un voyage dont on ne revient pas. » Mais il nous enterrera tous. Ces gens qui n'ont que le souffle ne meurent jamais. » Il y eut un silence. Laurent se traîna sur les genoux, se serrant contre sa maîtresse, appuyant la tête contre sa poitrine. « J'avais fait un rêve, » dit-il. « Je voulais passer une nuit entière avec toi, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers. Je voudrais être ton mari. » « Tu comprends ?»« Oui, oui, » répondit Thérèse, frissonnante. Et elle se pencha brusquement sur le visage de Laurent, qu'elle couvrit de baisers. Elle égratignait les brides de son chapeau contre la barbe rude du jeune homme. Elle ne songeait plus qu'elle était habillée et qu'elle allait froisser ses vêtements. Elle sanglotait. Elle prononçait des paroles haletantes au milieu de ses larmes. « Ne dis pas ces choses, » répétait-elle, « car je n'aurai pas la force de te quitter. Je resterai là. Donne-moi du courage, plutôt. Dis-moi que nous nous verrons encore. N'est-ce pas que tu as besoin de moi et que nous trouverons bien un jour le moyen de vivre ensemble ? Alors, reviens demain, » lui répondit Laurent, dont les mains tremblantes montaient le long de sa taille. « Mais je ne puis revenir. » « Je te l'ai dit, je n'ai pas de prétexte. » Elle se tordait les bras. Elle reprit. « Oh, le scandale ne me fait pas peur. En rentrant, si tu veux, je vais dire à Camille que tu es mon amant et je reviens coucher ici. C'est pour toi que je tremble. Je ne veux pas déranger ta vie. Je désire te faire une existence heureuse. » Les instincts prudents du jeune homme se réveillèrent. « Tu as raison, » dit-il. « Il ne faut pas agir comme des enfants. Ah, si ton mari mourait. »« Si mon mari mourait, » répéta lentement Thérèse. « Nous nous marierons ensemble. Nous ne craindrions plus rien. Nous jouirions largement de nos amours. Quelle bonne et douce vie !» La jeune femme s'était redressée. Les joues pâles, Elle regardait son amant avec des yeux sombres. Des battements agitaient ses lèvres. « Les gens meurent quelquefois, » murmura-t-elle enfin. « Seulement, c'est dangereux pour ceux qui survivent. » Laurent ne répondit pas. « Vois-tu, » continua-t-elle, « tous les moyens connus sont mauvais. Tu ne m'as pas compris, » dit-il paisiblement. « Je ne suis pas un sot. Je veux t'aimer en paix. Je pensais qu'il arrive des accidents tous les jours, que le pied peut glisser. » Une tuile peut tomber, tu comprends. Dans ce dernier cas, le vent seul est coupable. Il parlait d'une voix étrange. Il eut un sourire et ajouta d'un ton caressant. Va, sois tranquille. Nous nous aimerons bien. Nous vivrons heureux. Puisque tu ne peux venir, j'arrangerai tout cela. Si nous restons plusieurs mois sans nous voir, ne m'oublie pas. Songe que je travaille à nos félicités. » Il saisit dans ses bras Thérèse, qui ouvrait la porte pour partir. « Tu es à moi, n'est-ce pas ? » continua-t-il. « Tu jures de te livrer entière, à toute heure, quand je voudrai. »« Oui ! » cria la jeune femme. « Je t'appartiens. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Ils restèrent un moment farouches et muets. Puis Thérèse s'arracha avec brusquerie et sans tourner la tête, elle sortit de la mansarde et descendit l'escalier. Laurent écouta le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Quand il n'entendit plus rien, il rentra dans son taudis. Il se coucha. Les draps étaient tièdes. Il étouffait au fond de ce trou étroit que Thérèse laissait plein des ardeurs de sa passion. Il lui semblait que son souffle respirait encore un peu de la jeune femme. Elle avait passé là, répandant des émanations pénétrantes, des odeurs de violette. Et maintenant, il ne pouvait plus serrer entre ses bras que le fantôme insaisissable de sa maîtresse, traînant autour de lui. Il avait la fièvre des amours, renaissantes et inassouvies. Il ne ferma pas la fenêtre. Couché sur le dos, les bras nus, les mains ouvertes, cherchant la fraîcheur, il songea en regardant le carré d'un bleu sombre que le châssis taillait dans le ciel. Jusqu'au jour, la même idée tourna dans sa tête. Avant la venue de Thérèse, il ne songeait pas au meurtre de Camille. Il avait parlé de la mort de cet homme, poussé par les faits, irrité par la pensée qu'il ne reverrait plus son amante. Et c'est ainsi qu'un nouveau coin de sa nature inconsciente venait de se révéler. Il s'était mis à rêver l'assassinat dans les emportements de l'adultère. Maintenant, plus calme, seul au milieu de la nuit paisible, il étudiait le meurtre. L'idée de mort, jetée avec désespoir entre deux baisers, revenait implacable et aigu. Laurent, secoué par l'insomnie, énervé par les senteurs âcres que Thérèse avait laissées derrière elle, dressait des embûches, calculait les mauvaises chances, étalait les avantages qu'elle aurait à être assassin. Tous ses intérêts le poussaient au crime. Il se disait que son père, le paysan de Jeufosse, ne se décidait pas à mourir. Il faudrait peut-être rester encore 10 années employé, mangeant dans les crèmeries, vivant sans femme dans un grenier. Cette idée l'exaspérait. Au contraire, Camille mort, il épousait Thérèse. Il héritait de Madame Raquin. Il donnait sa démission et flânait au soleil. Alors il se plut à rêver cette vie de paresseux. Il se voyait déjà oisif, mangeant et dormant, attendant avec patience la mort de son père. Et quand la réalité se dressait au milieu de son rêve, il se heurtait contre Camille. Il serrait les poings comme pour l'assommer. Laurent voulait Thérèse. Il la voulait à lui tout seul, toujours à portée de sa main. S'il ne faisait pas disparaître le mari, la femme lui échappait. Elle l'avait dit, elle ne pouvait revenir. Ils l'auraient bien enlevée, emportée quelque part, mais alors ils seraient morts de faim tous deux. Ils risquaient moins en tuant le mari. Ils soulevaient aucun scandale. Ils poussaient seulement un homme pour se mettre à sa place. Dans sa logique brutale de paysan, il trouvait ce moyen excellent et naturel. Sa prudence native lui conseillait même cet expédient rapide. Il se vautrait sur son lit, en sueur, à plat ventre, collant sa face moite dans l'oreiller où avait traîné le chignon de Thérèse. Il prenait la toile entre ses lèvres séchées, il buvait les parfums légers de ce linge, et il restait là, sans haleine, étouffant, voyant passer des barres de feu le long de ses paupières closes. Il se demandait comment il pourrait bien tuer Camille. Puis, quand la respiration lui manquait, il se retournait d'un bond, se remettait sur le dos et les yeux grands ouverts, recevant en plein visage les souffles froids de la fenêtre. Il cherchait dans les étoiles, dans le carré bleuâtre de ciel, un conseil de meurtre, un plan d'assassinat. Il ne trouva rien. Comme il l'avait dit à sa maîtresse, il n'était pas un enfant, un sot. Il ne voulait ni du poignard, ni du poison. Il lui fallait un crime sournois, accompli sans danger, une sorte d'étouffement sinistre, sans cri, sans terreur, une simple disparition. La passion avait beau le secouer et le pousser en avant, tout son être réclamait impérieusement la prudence. Il était trop lâche, trop voluptueux pour risquer sa tranquillité. Il tuait afin de vivre calme et heureux. Peu à peu, le sommeil le prit. L'air froid avait chassé du grenier le fantôme tiède et odorant de Thérèse. Laurent, brisé, apaisé, se laissa envahir par une sorte d'engourdissement doux et vague. En s'endormant, il décida qu'il attendrait une occasion favorable. Et sa pensée, de plus en plus fuyante, le berçait en murmurant « Je le tuerai, je le tuerai ». 5 minutes plus tard, il reposait, respirant avec une régularité sereine. Thérèse était rentrée chez elle à 11 heures. La tête en feu, la pensée tendue, elle arriva au passage du Pont-Neuf, sans avoir conscience du chemin parcouru. Il lui semblait qu'elle descendait de chez Laurent, tant ses oreilles étaient pleines encore des paroles qu'elle venait d'entendre. Elle trouva Madame Raquin et Camille anxieux et empressés. Elle répondit sèchement à leurs questions en disant qu'elle avait fait une course inutile et qu'elle était restée 1 heure sur un trottoir à attendre un omnibus. Lorsqu'elle se mit au lit, elle trouva les draps froids et humides. Ses membres, encore brûlants, eurent des frissons de répugnance. Camille ne tarda pas à s'endormir, et Thérèse regarda longtemps cette face blafarde qui reposait bêtement sur l'oreiller, la bouche ouverte. Elle s'écartait de lui. Elle avait des envies d'enfoncer son poing fermé dans cette bouche.